الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فمع إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإمام ديمونوتيست لم ينتين الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن في هذه الأيام المباركات التي نعيش تفرض علينا الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمهما تحرك الحج ومهما عاش أحدنا في بلده في هذه الأيام، وكلما مر بعبادة من العبادات أو بنسك من المناسك، فإنه يتذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسرته المباركة التي أبقى الله ذكرها في العالمين. فأنت كلما صليت تصلي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فأنت في كل صلواتك تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأمور التي تدعو للتفكر وتجعلنا ندرس سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للفائدة والعبرة. فأنا الله عز وجل c'est noble jour que nous vivons, ces jours bimini min Allah Azza wa Jal, qui sont là les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, nous imposent le fait de jeter un œil sur la vie et la biographie de Ibrahim alayhi salatu wassalam. N'importe quel mouvement que fait le pèlerin maintenant au pèlerinage, il accomplit des actes de Ibrahim alayhi salatu wassalam, et tout ce qu'il fait va lui rappeler Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ce que nous allons faire, nous, et ce que nous allons faire durant ces jours, ici, dans le pays, avec le sacrifice, etc., ça va nous rappeler aussi l'acte d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dont la plus importante des adorations, après le monothéisme, qui est la colonne vertébrale de cette religion, qui est la prière, nous rappelons tout le temps d'Ibrahim, alayhi salam. Tu dis dans ta prière, dans ta tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tout ça, ça implique de nous et ça nous impose de prendre, de jeter un regard sur la biographie d'Ibrahim alayhi salam et de prendre les leçons à retenir et à mettre en application dans notre vie et sur le champ de la da'wa. Fa da'wa Ibrahim alayhi salam tu'tabaru qudwatan wa mithalan yuhtada bih yurad biha ala ulai alladhina inshaghalu بغيرهم عن أنفسهم، ويرد به على أولئك الذين انشغلوا بتكفير حكام المسلمين وبتكفير المسلمين، والذين إذا تحدثوا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صوروها على أنها مواجهة مع الحكام وعلى أنها مواجهة مع الرؤساء والملوك، وهذا طبعا غير صحيح. وإنما هذا المنهج منهج الحركيين من خوارج سرورية وقطبية وإخوانية. لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام est un exemple pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et pour le musulman. Est un exemple qu'il faut suivre. Et avec la da'wa d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il y a le fait, cette da'wa réplique à ces activistes qui n'ont d'autre chose que se préoccuper des autres. Il se préoccupait à rendre les musulmans mécréants et à faire des gouverneurs des pays de l'islam que ce sont des mécréants. Et quand il parle de la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam, il faut croire aux gens que la da'wa des messagers alayhi salatu wassalam est une révolte et un combat qu'ont mené les prophètes contre leur gouverneur. Et que la da'wa des prophètes, c'est un face-à-face entre les prophètes et leur gouverneur. Et ceci n'est pas vrai, ceci est faux. Ceci est si la voix des khawarij, des tkfirim, et leurs tendances, les sororites, les qutbites, les ikhwan, c'est leur voix. C'est eux qui ont ouvert cette voie et c'est eux qui essayent de faire imaginer que la da'wa du prophète est une da'wa à la révolution, au trouble et au son. فَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَكُونُوا كَمَا نَرَى وَنَسْمَعْ مِنْ هَؤُلَاءِ الثُّورِيُّونَ الَّذِينَ ابْتُلُوا بِهَذَا الْمَرَضِ الْخَطِيرِ. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة لرسولنا. قال عز وجل آمرا محمدا عليه الصلاة والسلام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فالصراط المستقيم هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا هدى نبينا إلى هذا الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعا إلى مثل ما دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نغفر الله عز وجل. Les prophètes alayhi salam ne sont pas comme les décrivent ces activistes. Hein? Ils ne sont pas comme veulent nous le faire croire ces activistes et ces adeptes de groupe qui sont atteints de cette grande maladie, de cette grande gangrène de rendre les musulmans mécréants et d'appeler à la révolte, au fait de couler le sang dans la communauté de l'islam. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui un modèle pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Muhammad alayhi salatu wassalam en lui disant, dis ya Muhammad, Allah m'a guidé, mon souverain m'a guidé sur la voie droite, la religion droite, la voie de Ibrahim alayhi salatu wassalam qui était monothéiste, hanif. Donc, Sirat Mustaqim, la voie droite, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé notre prophète alayhi salatu wassalam vers cette voie droite qui était la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah, mon souverain, m'a guidé sur la voie droite. Hein? Et notre prophète alayhi salatu wassalam était sur la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il a appelé vers. Il a fait la même da'wa qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam. فعندما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتى صغيرا أقام الحجة على قومه ليس من قبيل الثورات والانقلابات كما يصوره السرورية ولكن على سبيل إقامة الحجة لأن كثيرا من هؤلاء المصابين بداء الثورات والانقلابات والمنشغلين بالحكام عن أنفسهم يحتجون بتحطيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأصنام لكي يثوروا على الحكام ولكي ينقلبوا على الحكام ولكي يثيروا الفتن في بلاد المسلمين. Donc, فرعون الله عز وجل كنت إبراهيم عليه الصلاة والسلام alors qu'il était jeune garçon encore, il a accompli la preuve contre son peuple. Il l'a pas fait avec la en appelant à la révolte ni au fait de se révolter contre son gouverneur, ni au fait d'appeler au son, comme nous le font imaginer les sororites. Hein? Mais il l'a fait en accomplissant une preuve, il a accompli une preuve. Hein? Il n'a pas appelé à la révolution, ni au son, ni au fait de couler le sang. Car beaucoup de ceux qui sont atteints de la maladie de la révolution et du fait de se révolter contre les gouverneurs des pays de l'islam, et ceux qui n'ont d'autre souci que de dire ce gouvernant il est kafir, ce gouvernant fait ceci, etc. Tout cela prennent comme preuve l'acte qu'a fait Ibrahim alayhi salam quand il a démoli les statues. Pour, ils prennent cet acte comme preuve pour faire les révolutions et faire couler le sang et se révolter contre les gouverneurs et créer la perturbation dans les pays de l'islam. ويحتجون بهذا الفعل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن تغيير المنكر باليد يكون لمن هب ودب، وأنه لا يبالى بالعواقب ولا عبرة بالنتائج. ويقولون هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، كسر الأصنام ولم يفكر بالعواقب ولا بالنتائج. وأنتم معشر أهل السنة والجماعة تعللون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليلا عجيبا يخالف قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ils disent que le fait de changer le mal avec les mains est autorisé à n'importe qui. C'est-à-dire n'importe qui peut sortir comme ça et blâmer le mal avec ses mains. Ça va être l'anarchie. Hein? Ils disent, il n'y a pas à prendre en considération ce qui va arriver après. On change le mal et puis point. Ils disent, Ibrahim il a cassé le statut, il n'a pas fait attention à ce qui va lui arriver après. Et ils disent, vous autres les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, vous dites que le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal doit se faire selon certaines conditions et avec des conditions bien précises. Dans ces cas-là, vous êtes dans une divergence extraordinaire avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ceci est faux. وهذا خطأ شنيع وفهم سقيم لدعوة الأنبياء. فكيف تقولون؟ يقولون كيف تقولون لا يجوز تغيير المنكر باليد إذا ترتب عليه منكر أكبر منه؟ وهذا إبراهيم كسر الأصنام ولم يبالي بشيء مما تقولون. يقول أهل العلم لهؤلاء أنتم لا تفهمون ولا فهمتم دعوة الأنبياء ولماذا أرسل الأنبياء. Donc ils te disent pourquoi il ne s'est pas permis de changer le mal avec la main. Ils disent, vous les autres gens de la sunna, vous dites qu'il n'est pas permis de changer le mal avec la main, parce que quand il va découler de ce changement un mal beaucoup plus grand. Et voici Ibrahim alayhissalam qui a détruit les statues. Il n'a pris en considération rien. Les hommes de science leur répliquent et leur disent, vous n'avez rien compris de la da'wah du prophète alayhissalam. Et vous n'avez rien compris de l'acte de Ibrahim alayhissalam. فإبراهيم لم يحطم الأصنام إنكارا للمنكر. إبراهيم حطم الأصنام ليوقظ قومه، هذه الأحجار التي تعبدون من دون الله أتسمعكم أتنفعكم أتضركم؟ كسرها لكي يخرجها من قلوبهم لا على شأن إنكار المنكر باليد، ولكن على أن يستيقظوا. لذلك عندما كسرها ترك كبيرهم، فعندما سألوا قال اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. والعاقل عندما تريد أن تنكر منكرا أتيت مثلا إلى مكان فوجدت قارورة الخمر كثيرة ولكن بينهم قارورة كبيرة، بماذا ستبدأ؟ عقليا منطقيا بماذا ستبدأ؟ بالكبيرة، هي الأولى، أنت الأولى على الصغار، هذا منطقي. وإبراهيم لم يفعل هذا ولكن ترك الكبير وكسر الصغار لكي يقول لهم اسألوهم واش باش يفيقوا من النعاس ديالو، واش راه هاد الشيء تلعبدو ما ينفع كاع راسو، كيفاش ينفعكم؟ Donc, Ibrahim alayhi salam, cette preuve qu'utilise Ad, les khawarij du monde moderne pour blâmer le mal n'importe comment, disent qu'il a cassé les statues. Mais ils ne savent pas que le fait que l'acte qu'a fait Ibrahim alayhi salam, c'est pour réveiller la conscience de son peuple. Il est arrivé, il a cassé les statues, certes, mais il les a cassées pour éveiller leur conscience. Parce que il a cassé toutes les statues, il a laissé la grande. Et il est évident, la logique le dicte, la raison le dicte, que quand quelqu'un veut blâmer un mal, je te donne un exemple, tu arrives sur un terrain et tu as le droit de blâmer, et tu veux blâmer un mal, et tu as trouvé une bouteille magnum de vin qui fait 2 mètres. Et à côté, plein de petites bouteilles. Avec quoi tu vas commencer? Ta raison, la raison, la logique va te pousser vers quoi? À casser la grande. Et après tu la suivi des petites. Ibrahim alayhi salam n'a pas fait ça. Ibrahim, il a cassé les petits, il a laissé le grand. Et quand il lui posait la question, qui a fait ça de notre divinité, il a dit, demandez à leur grand s'il parle. Demandez-lui s'il parle. Hein? Elisa, c'est pour qu'il se rappelle, pour qu'il se réveille, que ces statues ne peuvent rien pour elles, qu'est-ce qu'ils peuvent pour vous? Ils ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent pour vous? فإبراهيم الذي فعل هذا مع قومه لما كبر سنه وتم نضجه سافر بأهله إلى أرض مصر وكان فيها ملك طاغية إذا عرف أن امرأة لها زوج وجميلة فإنه نكاية في زوجها يغتصبها منه ويجبرها على أن يعاشرها رغم أن في زوجها فهذا إبراهيم سيواجه هذا الطاغية فماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل معه؟ إبراهيم qui a agi ainsi, qui a essayé d'accomplir la preuve et d'éveiller la conscience de son peuple, quand il a atteint l'âge de raison, l'âge il a grandi, etc. Et il est parti en voyage et il a quitté son pays vers l'Égypte. Il est parti en Égypte avec sa femme. Et l'Égypte, son roi est un tyran. Dit qu'il sait qu'un homme est rentré avec sa femme dans le pays, il la veut, il la prend. Pour pratiquer le fahisha avec. Malgré son mari, son plaisir, c'est de prendre les femmes des autres. Hein? Malgré le mari, etc. Maintenant, Ibrahim va se confronter à ce dilemme avec ce tyran, qu'est-ce qu'il va faire? إبراهيم قام في وجهه ليعلن النكير يقول اللهم إن هذا منكر ولم يفكر في العواقب وفي النتائج كما يفعل هؤلاء عبر المواقع الانترنت وعبر المناظر وعبر المقالات لا همهم إلا هذا منكر هذا الحكيم يفعل كذا وهذا منكر وهذا هل قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أتكلم مع هذا الطاغية وأثيره وأستفزه حتى ولو اعتدى على زوجتي أنت ما كيف تعامل إبراهيم مع ذلك الموقف كيف كان موقف إبراهيم أمام هذا الطاغية ومع هذا الأمر donc maintenant إبراهيم عليه الصلاة والسلام qui s'est retrouvé devant ceux qu'il aime et cette situation peut-être que ce tyran va prendre sa femme. Est-ce que, sans faire attention au résultat, il a déclaré, ceci c'est un mal, ce tyran n'est pas bien, ce n'est pas bien ce qu'il fait, etc. Il a commencé à crier. Comme font Hadith Kfiri du monde moderne, hein, qui n'ont même pas le biyama de la science de la religion, et sur les sites d'internet, tel gouverneur de tel pays, mécréant. Celui-là, mécréant. Celui-là, mécréant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croyants sur terre, il n'y a que les croyants sur terre et les musulmans sur terre. C'est fini. Hein? Et ils le font à travers les sites internet, ils le font à travers le manbar quand ils ont la possibilité, à travers des exposés et ainsi de suite. Est-ce que Ibrahim a dit à un moment, je vais parler haut et fort devant ce tyran et qu'il arrive ce qu'il arrive, je m'en fous ce qui va arriver? Ou alors Ibrahim a eu une autre position, une position beaucoup plus sage. فَدَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِوَادِ وَهَؤُلَاءِ الْحَرَكِيُونَ دَعْوَتُهُمْ بِوَادٍ آخَرِ فَإِبْرَاهِيمْ قَالَ لِمْرَأَةِ سَارَةَ عليه السلام إِذَا خَلَى بِكِ هَذَا الطَّاغِيَةِ وَسَأَلَكِ عَنِّي فَقُولِي لَهُ إِنَّكِ أُخْتِي أي لا تخبريه أنك زوجتي حتى نستطيع أن نمتص ما عنده من تلك العاطفة التي فيها الطغيان فوجهها توجيها نبويا رشيدا حتى يستطيع التخلص من ذلك الطاغية ومن طغيانه لا دعوة بخوت عليه الصلاة والسلام إليه على الإست لا دعوة بسيز أكتيفيست إليه على الوست Ibrahim alayhi salatu salam, il a dit à sa femme Sarah alayhi salam, quand tu vas être face à face à ce tyran et qu'il te pose des questions sur moi, Tu lui dis pas que je suis ton mari, dis-lui que je suis ton frère. Comme ça, sa colère, parce que ce tyran, il prend les femmes des autres. Son plaisir, il a assouvi son plaisir par le fait de prendre les femmes des autres. Celle qui est une femme à quelqu'un. Ibrahim a orienté Sarah pour essayer d'absorber un peu de la colère et de la haine de cet homme vis-à-vis du mari des femmes et qu'il ne lui fasse pas de mal. ولما أخل ذلكم الطاغية بسارة وسألها عن إبراهيم قالت إنه أخي تقصد أخوها في الدين لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجه إلى هذه الحيلة وفهمها أنه لا يعلم على وجه الأرض من هو على هذا الدين إلا هو وهي فهو أخوها في الإسلام وهي أخته في الإسلام لماذا كل هذا؟ لأن هذا الطاغية لو علم أن إبراهيم زوجها فإنه سيمارس تلك العادة التي اعتادها لكي يروي غليله ويرضي تلك العاطفة الغضبية التي في نفسه لأنه يحب أن يتملك مال غيره إبراهيم عليه الصلاة والسلام كنت سفار صار سيغتخوفهم تتا تتا avec ce tyran. Il lui a posé des questions sur Ibrahim, il lui a dit, c'est mon frère. Ibrahim l'a orienté vers cette ruse. Hein? Et évidemment, elle, quand il lui a dit que c'était son frère, c'est pas son frère le sang. Il voulait par là son frère dans la religion, son frère dans le monothéisme. Ibrahim l'a orienté vers ce sens-là. Il lui a fait comprendre qu'il ne connaît pas sur terre quelqu'un qui est sur la même religion que lui. Donc ils sont frères en islam. Hein? Et pourquoi il l'a orienté ainsi? Parce que ce roi, parce que Ibrahim, alayhi salam, savait que ce roi aimait prendre les femmes des autres, et ce qu'on possède les autres. Et il aimait avoir des actes blâmables avec les femmes des autres, et ce qu'on possède les autres. C'est ainsi qu'il arrive à assouvir ses désirs. Wa shahidu ala kulli hal annahu ma'a hadha kullihi laja'a Ibrahim ila Rabbi azza wa jalla yad'uhu an yahfaz ahlahu wa an la yumakkina ahlahu min hadha adh-dhalim kama da'at zawjatuhu Ibrahim zawjat Ibrahim sarra Rabbaha azza wa jalla an yahfazaha fa kullama hawala hadha at-taghiya برغم أنه علم أنها أخت إبراهيم ولكن لجمالها يريدها وكلما حاول أوقفه الله وشل حركته فلا يستطيع مسها ثم يطلب منها أن تسامحه وتعفو عنه وأن تسأل ربها أن يدفع عنه ما أصابه فتفعل ثم يعيد الكرة فتعود إلى الدعاء وهكذا مرات ثم عرف الطاغية أنه لا سبيل إليها فعندها أحداها جارية وهكذا تكون عاقبة من يتقي الله عز وجل قال ربنا عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي آية أخرى ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. Donc, le témoignage dans tout ça, c'est que malgré tout ça, ces précautions qu'a pris Ibrahim, il s'est orienté vers Allah, subhanahu wa ta'ala, a commencé à faire dua, que sa famille soit protégée de ce tyran. Sarah a fait de même, elle a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de la protéger de ce tyran. Mais malgré que ce tyran a su que Sarah, il a sorti Ibrahim, comme il était belle, il l'a voulu malgré ça. Mais chaque fois qu'il voulait la toucher, Allah subhanahu wa ta'ala le paralyse. Et il lui demande à ton souverain de me libérer, je te laisse tranquille. Sarah fait dua. Et il recommence une deuxième. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala le paralyse. Jusqu'au moment où ce tyran a su qu'il ne peut rien. Il ne peut rien faire contre cette femme-là, que cette femme a une protection qui est beaucoup plus forte que lui. Dans ces cas-là, il lui a offert une servante. Ça, il lui a offert Hajar. Allez, assalatu wassalam. Ainsi, Ainsi se fait la fin de ceux qui préservent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une bonne femme, il Allah azza wa jal. Il est dit dans le verset, celui qui préserve le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui rouvre des issues de là où ça ne tombe pas. Celui qui préserve le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les situations, dit dans l'autre verset. Fa Ibrahim wa Sara du'afa. Mada yasna'ani fi mamlakatin kabira 'inda taghiyatin. على كل حال لم يفعل مثل هؤلاء المتهورين الذين لا يعرفون شيئا عن الجهاد ثم يدعون إليه ويقولون نحن نقدم بالحجارة ويحصل ما يحصل نواجه الطائرات وكما جاء في كلام شيخ الإسلام الفقيه ابن عثيمين رحمة الله عليه ماذا يستطيع يقول رحمه الله من الفقه الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ماذا يستطيع من لا يملك إلا سكين المطبخ وعصا الراعي زيادة على هذا المسلمون عندهم هذه الأسلحة كاع اللي مات اللي هي الزبالة ديال الأمريكان وديال أوروبا هي اللي عندهم أش يديروا بالضعف ديالهم يلوحوا راسهم يدعوا كاع فإبراهيم يسارة يتفهم كيس كيفون فيغ دون الغويوم دان تيغون كون سو تيغون ان تولي كا إيزون با في كون سي انسونسي qui ne connaissent rien, et qui ne connaissent même pas les règles du djihad, et qui parlent, qui appellent vers djihad, viens djihad, djihad, djihad. Hein? Ils disent, on jette les pierres, qu'il arrive ce qu'il arrive. On jette les pierres sur les avions, puis, hein? Subhanallah, qu'il arrive ce qu'il arrive. Hein? Hein? Un petit jeune va monter dans un bus, il va se faire exploser, et après on va raser un village. Voilà le but, à la fin où est-ce qu'on arrive. On arrive avec ça, avec quoi? Avec ces idéologues qui n'ont rien compris de la religion d'Allah, qui n'ont rien compris de la jurisprudence du djihad. Et comme dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il peut faire celui qui n'a que le couteau de cuisine et le bâton du berger? Qu'est-ce qu'il peut faire contre les avions et contre le reste? Les armes qu'ont les pays de l'Islam et les pays arabes, c'est la poubelle de l'Europe et la poubelle des États-Unis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le faible, qu'est-ce qu'il peut faire devant le fort? Hein? Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lam yaf'al shay'a min dhalika, bal kana hammuhu an yanjuwa huwa wa ahlahu wa an yaslama. Wahada huwa muqtada al-aql wa al-hikma wa muqtada al-fahm. Wahadi da'watu al-anbiya, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, il n'a rien fait de tout ça. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas pris la pierre, jeté la pierre, qu'il arrive ce qu'il arrive, rien de tout ça. Son souci, c'était d'être sauvé. Hein? Et de sauver sa famille. Et qu'il soit épargné, que son honneur soit épargné. Et ça, c'est le summum de la raison et de la sagesse, et c'est le but de la da'wah du messager, alayhi salatu wassalam. والذي لا يملك القوة كيف يواجه من له قوة والله عز وجل قال لأفضل من هؤلاء أي قال لصحابة رسول الله وهم أفضل منا وأفضل من يطئ الأرض وأفضل من وطأ الأرض بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله على الإطلاق فقال لهؤلاء المدعون قال لأفضل لمن هم أفضل من هؤلاء المدعون للجهاد إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 20 حتى 200 نضربها بعشرة ثم خفف بعد ذلك إن يكون منكم واحد يغلب 10 فرق 10 حتى جعلها من واحد إلى 2 أي واحد من المؤمنين يواجه 2 من الكفار ويشترط في هذا المؤمن أن يكون صابرا وكلمة الصبر سهلة على اللسان ولكن عند التحقيق لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا يكون من الصابرين إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للصبر الصبر سهل على اللسان donc celui qui n'a pas de puissance qui n'a pas de force comment il va attaquer celui qui a une énorme force Et qu'on se rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au plus noble de l'humanité après les prophètes, qui sont les compagnons de Mohammed, ou la noblesse au sens large du terme après les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ces nobles compagnons de Mohammed, qui sont mieux que ceux qui prétendent maintenant le jihad, si il existe parmi nous 20 patients, ils vont combattre 200. 20 patients parmi vous, il parle à qui? Aux compagnons de Mohammed alayhi salam. Si 20 sont là, patients, ils vont combattre 200. Et après, il a allégé pour eux 1 contre 10. Et après, l'allègement est venu vers Allah Azza wa Jal 1 contre 2. De 1 à 10 à 1 contre 2. Hein? Un croyant contre 2 vaincra 2 mécréants. Mais il y a une condition sine qua pour ce croyant, c'est qu'il soit patient, endurant. Le mot patience est facile sur la langue. N'est accompli dans la patience que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli dans la patience. C'est facile d'utiliser le mot patiente. Patience, il faut de la patience. Mais sur le terrain, la chose est différente. Il n'est accompli sur la patience que celui que Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit. والشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام يعرف قدر نفسه ليس كهؤلاء ويعرف قدر أهله وأنه في مثل هذا الموقف يريد أن يسلم هو وأهله. Le témoignage en tout ça, c'est qu'Ibrahim عليه السلام, il connaît sa place, sa force, sa position, comme il connaît la faiblesse et la place de son épouse. Il n'est pas comme cela qui ne connaissent pas leur réelle place. Et qu'est-ce qu'il voulait dans cette situation-là? C'est d'être épargné et de sauver son honneur. فهذا الطاغية الذي أراد ذلك الشر كان من أكبر الطغاة. ومع ذلك لم يدخل معه إبراهيم في مواجهة. فإبراهيم لم يكن رجلا ينازع على الكرسي ولا على الحكم ولم يبعث ينازع الملوك على ملكهم كان إبراهيم يفكر في أعظم من هذا فلم يكن نظره محدودا في زمانه أو مكانه وعلى هذا فعندما يكون المسلمون في ضعف ويلجأون إلى الهدنة وإلى عهد عدنة مع أعدائهم فهم على سبيل الأنبياء فهم في منهج الأنبياء لأن الضعف والإنسان يعرف قدره ويلتجئ إلى الهدنة وإلى معاهدات لكي ينجو بشعبه وبدم الأبرياء فهذا المطلوب أخي الإسلام وهكذا كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا أن يلقوا بشعوبهم وبأتباعهم إلى التهلكة. Donc فهم الله عز وجل le témoignage ici c'est que Ibrahim connaît sa place et sa force, il connaît sa faiblesse, il connaît sa position et comme il connaît la faiblesse de sa femme, etc. Et donc dans cette position, il faut qu'il sauve son honneur, il sauve sa famille. Ce tyran, il voulait un mal. Et c'est un grand tyran de son époque. Et malgré tout ça, Ibrahim ne l'a pas confronté, ne s'est pas opposé à lui, n'a pas appelé à la révolte contre lui, n'a pas cherché à soulever un peuple contre ce tyran. Parce que Ibrahim n'était pas un homme qui est venu concurrencer les gouverneurs pour leur poste, n'est pas un homme qui est venu concurrencer les rois pour leur royauté. Ibrahim peut penser à autre chose de beaucoup plus important. Ibrahim n'était pas limité à son temps et à son moment. Ibrahim, sa pensée allait très loin. C'est pour ça, quand les pays, certains gouverneurs de certains pays de l'islam, voient qu'ils sont dans une faiblesse, et qu'ils ne font pas le poids dans l'ennemi, et qu'ils font des pactes de calme et de paix avec leurs ennemis, ils sont dans la voie du prophète alayhi salatu salam. N'ont pas compris ces sororis et cette crillion du monde moderne. وسأل أن يفعل شيئا، أن يفعل إبراهيم شيئا فيقتله ذلك الطاغية ويقتل أهله، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، وانتهى الموضوع. سهلا أن يفعل أي شيء فيقتله ذلك الملك ويموت شهيد، دون فالذي مات دون عرضه فهو شهيد، وانتهى الموضوع. C'est facile pour Ibrahim عليه الصلاة والسلام de faire n'importe quel geste et ce tyran il le tue. Et dans ces cas-là, il va mourir en martyr, parce que celui qui meurt en défendant son honneur et sa famille, il meurt en martyr et la situation s'arrête là. وإبراهيم ما كان يفكر بهذه الصورة لأنه نبي وإمام دعوة ومنقاد لأمر الله، إنه إمام في الدين، كان يفكر في بقاء الدين، في بقاء التوحيد، في بقاء دعوة التوحيد، ويفكر في أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا فوق الأرض. إبراهيم ne pensait pas ainsi. Ibrahim était un prophète. Ibrahim était l'imam d'une da'wah. Ibrahim était soumis à Allah. Ibrahim était un imam dans la religion. Et il pensait au fait qu'il laisse derrière lui cette religion, qu'il laisse derrière lui le monothéisme, que derrière lui il laisse des gens qui réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وكما ترون وتعرفون بدايته أي بداية دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تخالف دعوة هؤلاء وبداية هؤلاء. هؤلاء ابتلوا بمرض خطير وهو الانشغال بالحكام وبالكرسي، فبدل أن يثير إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثورة والفتن والانقلابات، وبدلا من أن يدخل في مواجهة لا معنى لها، عمل شيئا عجيبا، حرص على أن ينشئ أسرة موحدة وعلى أن يكون له نسل الموحد عليه الصلاة والسلام. Et comme vous le savez, le début d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام est différent du début de ces activistes. Ces activistes qui sont éprouvés par une grande maladie, qui est le fait de se préoccuper des gouverneurs et des postes, à vouloir chercher les postes, à vouloir faire des révolutions et à faire couler les leçons. Ibrahim a.s. n'a pas appelé à la révolte, ni à la révolution, ni au fait de renverser les gouverneurs. Au lieu de rentrer en confrontation avec ce tyran, dans une confrontation qui n'a aucun sens, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est acharné à constituer une famille de monothéistes. Il s'est acharné qu'il est une descendance monothéiste. ولذلك لا تعجب أنت أن تذكره إلى يوم القيامة وأن يذكر إبراهيم إلى يوم القيامة. أنت تقول في صلاتك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن هذه الأسرة كانت هي النواة لأمة التوحيد، وهذه الأسرة المباركة هي النواة لأمة الحنيفية السمحاء. فإبراهيم أصلح أهله بالتوحيد، ولما وهب له ذلك الطاغية وهب جارية لسارة، وكان اسم الجارية هاجر، بعد أن عرف أنه لن يصل إليها وأنها محفوظة منه، وعندما كبر سن سارة لم تنجب أولادا، أهدت جاريتها لإبراهيم، عسى الله أن يرزقه منها ولدا صالحا يحمل دعوة التوحيد، وفعلا رزقه الله من هاجر إسماعيل. وطبعا لما أنجبت هاجر إسماعيل غارت سارة، وهذه طبيعة النساء، فأوحى الله لإبراهيم أن يأخذ أهله وذريته ويسكنهم عند بيته المحرم في شبه الجزيرة عند مكان مرتفع اسمه مكة، ويقال له في لغة أخرى بكة، فهما لغتان عند العرب بكة ومكة، وأسكنهم هذا المكان ودعا بدعائه المعروف، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أسكنت بواد غير ذي زرع لماذا؟ ليقيموا الصلاة يعبدوا الله سبحانه وتعالى. Donc, frère Allah Azzawajal, ne t'étonne pas maintenant que toi, dans ta prière, hein, au 15e siècle, et ceci va se faire jusqu'à la fin des temps, chaque fois que tu fais salat d'Ibrahim, tu dis Allahumma salli ala Ibrahim ou ala al-Ibrahim. Barik ala Ibrahim ou ala al-Ibrahim. C'est une famille bénie min Allah subhanahu wa ta'ala. Cette famille bénite min Allah Azzawajal, c'est la racine de la communauté des monothéistes. Cette famille bénite min Allah Azza wa Jal, c'est la racine de la Hanifiyya Samha. Ibrahim alayhi salam a éduqué les siens sur le monothéiste. Et quand ce tyran a offert cette servante qui est Hajar alayhi salam à Sarah alayhi salam, quand Ibrahim est arrivé à un certain âge et qu'il n'a pas eu d'enfant, Sarah lui a offert Hajar dans l'espoir que Hajar puisse avoir un enfant vertueux, un bon fils qui porterait la da'wa du monothéiste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Hajar, à Ibrahim alayhi salatu wassalam, de Hajar Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et naturellement, les femmes, ils sont innées avec cette jalousie, c'est tout à fait naturel. Quand Hajar a eu Ismaïl, Sarah est devenue jalouse. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Ibrahim alayhi salatu wassalam de prendre sa famille et sa descendance et de les amener vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabique. À côté d'un endroit élevé qu'on appelle Mecca et Bekka, deux langues chez les Arabes, il est appelé Bekka et il est appelé Mecca, ce sont deux langues chez les Arabes. Et il les a laissés à cet endroit-là, et il a fait dua à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est compté dans le Coran, j'ai laissé hein, ma descendance dans un fleuve dans lequel il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation à côté de ta maison sacrée. Ô souverain, pour qu'ils accomplissent la prière. Et ô Allah, fais que des gens accourent vers eux et ouvrent leur cœur à eux. Hein? Et dans leur de toutes les existences et de tous les bienfaits, pour qu'ils soient reconnaissants. Donc il a laissé et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les protège et qu'ils accomplissent, qu'ils soient des gens qui accomplissent la prière. Il doit dire donc qu'ils adorent Allah et qu'ils réservent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Fataraka Ibrahim alayhi salatu wassalam Hajar, thumma raja'a ila Sara fi al-Sham. Wa kana yazuru dhurriyatahu bayna hin wa akhar. وطبعا تعرفون القصة أن الله عز وجل فجر زمزم لهاجر وولدها وصارت آية من آيات الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. فمن أعظم هذه الآيات زمزم التي لا ينفد ماؤها مهما شرب منها الملايين من البشر ولا تنقص. هي بئر صغيرة وليست عين جارية وفي أيامنا يسحب منها الماء بالمضخات ومع ذلك لا تنتهي ولا تفنى فهي آية من آية الله. وأكرم الله بها هاجر. دونك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أليس هاجر son fils. Et il est revenu vers Sarah au Sham, au nord de l'Arabie. Et de temps en temps, il est revenu faire visiter sa famille. Et vous connaissez l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir Zamzam pour Hajar. Et ce Zamzam est devenu un des signes d'Allah Azza wa Jal dans cet endroit. Il est dit dans le verset, le premier, la première maison d'Allah qui a été construite pour les gens, pour celle qui est à Bakka, bénie et guidée pour les mondes, c'est-à-dire pour les génies, pour les humains, dans lequel il y a des signes d'Allah, des signes clairs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Zamzam. Zamzam, son nom ne tarit pas. Malgré les millions et les millions de personnes qui boivent de Zamzam, ne tarira pas. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on sort l'eau de Zamzam avec des machines, on le pompe avec des machines. Il ne tarira pas. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son nom ne se termine jamais. Son nom est béni de Allah Azza wa Jalla. Son nom est une guérison pour toute maladie. Et son nom, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, pour la chose avec, pour laquelle tu la vois, tu l'auras. Thumma innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin wa hadhihi barakatun min ali Ibrahim. Yadhkuruha kullu insanin yadhhabu ila Makkah. Donc, hada zamzam, c'est une nourriture pour celui qui ne trouve pas de nourriture. Combien de gens sont venus chercher la vérité de Mohammed alayhi sallam, ils se cachaient, ils vivaient qu'avec zamzam. Et c'est aussi une guérison de n'importe quelle maladie. Et ça, c'est la bénédiction de la famille d'Ibrahim alayhi sallam. Tout pèlerin se rappellera, toute personne qui passera à la Mecque se rappellera de Ibrahim alayhi salatu salam. Thumma kabura Ismail alayhi salatu salam. Wabtala Allahu Ibrahim fi Ismail wa ladhi al-wahid alladhi kana yantadiruhu bi farigh as-sabr fa ra'a fi al-manami annahu yadhbahu wa ru'ya al-anbiya'i haqq. Qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahuk fanzur madha tara. Fa qala al-ibn الموحد يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فالله عز وجل فداه بذبح عظيم وهو الذي يتقرب الناس به إلى ربهم في كل عيد فهذه الأضحيات تذكرنا بإبراهيم وبإسماعيل عليهم الصلاة والسلام فجعل الله سبحانه وتعالى ذكرهم إلى يوم القيامة تذكره في الصلاة وكل سنة الحجاج يذكرونه وكل سنة أنت تضحي ويأتي وقت الأضحية فتذكر إبراهيم وتذكر Ibrahim ou Ismaïl alayhi salatu wassalam. Donc, Ibrahim a grandi. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim alayhi salatu wassalam dont Ismaïl. Son fils unique, il l'a eu après qu'il ait atteint un certain âge. Il l'attendait avec impatience. Et il a vu dans le rêve, et le rêve et les visions dont des prophètes alayhi salatu wassalam sont véridiques. A vu qu'il faut qu'il l'égorge, que l'ordre lui est venu qu'il faut qu'il l'égorge. Il est venu le voir et lui a dit, fils, je vis dans le rêve qu'il faut que je t'égorge. Vois ce que tu veux faire. Il a dit, père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu vas me trouver patient. Ça c'est l'enfant qui a été éduqué sur le monothéisme. Soumission. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous obéissons. Soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sont allés, il a couché pour l'égorger à ce moment-là, la délivrance est venue min Allah Azza wa Jalla. Après la patience, la délivrance est arrivée. Et il a été appelé au Ibrahim. Tu as été véridique. Tu as pris comme véridique cette vision. Nous te récompensons. Ainsi, nous récompensons ceux qui font le bien et les bienfaisants. Et un énorme mouton lui est arrivé à la place de son fils du paradis directement. Et c'est ce mouton-là avec lequel on se rapprochera lundi prochain. Comme sacrifice, nous allons nous rappeler quoi? L'acte d'Ibrahim ou d'Ismaïl alayhi salam. Ainsi, Ibrahim alayhi salam, jusqu'à la fin des temps, les musulmans vont se rappeler d'Ibrahim alayhi salam. Une fois par année, pour le sacrifice. Les pèlerins, pendant plusieurs jours, ils vont accomplir des actes dans lesquels ils vont se rappeler Ibrahim alayhi salam. Dans chacune de nos prières, on s'assoit et on fait la prière sur Ibrahim, sur la famille d'Ibrahim alayhi salatu salam. Fa Ibrahim, bi khilafi haoulaï thouriyoun, bi khilafi haoulaï harakiyoun, أصلح نفسه وكان حريصا على إصلاح أولاده وأن يكون ولده ممن يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فعندما قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما لم يفرح كما نفرح نحن، وإنما قال ومن ذريتي، فكان عليه السلام حريصا على هذه الدعوة، حريصا أن يبقى هذا الخير، لأنه يعلم أن هذا هو النصر المبين، أن يموت الناس ويبقى ما يعتقدون، أن يموت الناس ويبقى التوحيد، أن يموت صاحب الدعوة وتبقى دعوته، هذا هو النصر المبين، هذا هو النصر العزيز، أن يبقى دين الله وأن يبقى التوحيد. Ibrahim alayhi salam n'est pas comme ces activistes, ceux qui appellent aux révoltes contre les gouverneurs des pays de l'islam et ceux qui veulent semer le trouble dans les pays de l'islam. Ibrahim alayhi salam d'abord s'est purifié lui-même, il s'est éduqué lui-même. Après il s'acharnait à éduquer ses enfants et sa descendance et que sa descendance adore Allah uniquement et que sa descendance n'adore pas d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, nous allons faire de toi un imam. Il n'a pas été réjoui, Ibrahim alayhi salam. Mais il a dit, et de ma descendance, et de ma descendance. Donc alayhi salam, il voulait la survie de cette dawa, que lui fasse la dawa vers le monothéisme, il voulait aussi que sa descendance derrière lui, la survie du monothéisme, la survie de la religion, le triomphe de la religion, hein? Parce qu'il savait, alayhi salam, que ça c'est l'énorme triomphe, ça c'est la plus grande des gloires, que les gens meurent et que la religion reste, que les gens meurent et que le monothéisme reste, que Da'i le prêcheur disparaît et reste derrière lui le monothéisme. Ça c'est le plus grand des triomphes et le plus important des triomphes. هكذا فهمه الأنبياء، هكذا فهم الأنبياء النصر العزيز. أنسي لمساج الله سبحانه وتعالى أن كومبخي لو غير تريونف. أما هذه الحركات الطورية المؤقتة، أناس صعدوا على كرسي ومكثوا 10 سنوات أكثر أو أقل، ما دام لهم شيء، ولا دامت لهم سلطة، ولا دام لهم ملك. طبعا لو كان ملكا يدوم لدام ملك سليمان عليه الصلاة والسلام الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. وما دام ملك سليمان، لو كان ملك يدوم أو سلطة تدوم لدامت لسليمان عليه الصلاة والسلام، لو دعا دعاء ودعاء الأنبياء مستجاب، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فما كان ملك مثل ملك سليمان لأحد بعد سليمان عليه الصلاة والسلام. هل دام ملك سليمان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما لم يعطيه أحد ولن يكون لأحد بعده؟ هذا الله عز وجل كنت سيز اكتيفيست يسي موفمون دو ريبوليسيونير دي جون أغيب أن بوست سيلير أن بوست à la tête d'un groupe 10 ans 15 ans 20 ans ils disparaissent. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Même ils arrivent à prendre le pouvoir comme l'a pris Torabi au Soudan, après, il est tombé. Fini. Rien ne dure. Si un royaume devait durer, c'est le royaume de Salomon, de Suleyman alayhi salam. Suleyman alayhi salam a fait ce dua et le dua du prophète alayhi salam, il est exaucé min Allah. Ô souverain, donne-moi un royaume qu'on n'aura plus personne après moi. Il a eu ce royaume et personne. Après, Suleyman n'aura le royaume qu'avait Suleyman. Mais est-ce que le royaume du Suleyman a duré ? Il a disparu. Parce que toute chose doit disparaître. Kana li Suleyman ma lam yakul li ahad. Kana lahu min al imkanat. Ma laysa 'inda Amerika wa la 'inda Europa. A'ta'ahu Allah qudurat wa quwwa 'ajiba wa sakhkhara lahu junudan. من الجن من الطيور من الإنس من كل خلق الله سبحانه وتعالى. الريح سخره الله سبحانه وتعالى. أنت تصعد إلى السماء بالطائرة وفي بعض الأحيان يأتي هذه المطبات الهوائية، فتلعب الطائرة في السماء، لأن الريح لو سخر لك الله الطائرة ووجب عليك إذا صعدت الطائرة أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومع ذلك الله سخر لك الطائرة ولم يسخر لك الريح، لكن سليمان سخر له الله سبحانه وتعالى الريح. ها؟ يجب أن نتدبر وأن نفكر في كتاب ربنا عندما نقرأ قصص الأنبياء، فهي دروس. فمهما يصل القوم، مهما يصل من حضارة، فلن يصلوا إلى حضارة سليمان عليه الصلاة والسلام. تصور ملك ملكة عرش ملكة سباء كيف كان عظيم كبير كما وصفه الهدهد. وأتى به الذي أتى به الرجل الصالح قبل أن في رمشة عين العفريت قال أنا أتيك به قبل أن ينفض مجلسك، قبل ما تكمل هذا الاجتماع ديرك نجيبه لك. أما العالم والرجل الصالح قال أنا أتيك به قبل ما ترجع لك عينك، ديك الرمشة ديال العين يجي. فكان كما كان. وهذه هي اللي تسميوها دروك عندهم لا سيونس دو لا تيليبورتاسيون، باقي ما وصلوا ليها. هما تيقولوا غادي يوصل وباقي ما وصلوا. كذلك كان لسليمان جنود من الجن يغوصون في قاع البحر ووصلوا أعماق لم تصلها البشرية لكي يخرجوا له اللآل. فهذا دابا تيقول لك راه تيدخلوا 100 متر و 200 300 دخل كاع غادي يقدر يدخل بحال الجن. ها ما تيمكنش. فلا بد لا من ظاهرة ولا من حضارة. فما يكون لن تعرف البشرية حضارة مثل حضارة سليمان. فعلينا أن نتدبر كتاب ربنا، فالدروس والعبر في كلام ربنا وفي قصص الأنبياء. ولكن نحن قراءتنا للقصص كان يا ما كان، ولا نقرأ للعبرة وللدرس وللاستفادة. سليمان عليه الصلاة والسلام إلى فين سكت بحسن نائل comme pouvoir et comme royaume. Et personne n'aura. Les États-Unis réunis et l'Europe réunie et l'Union soviétique donc à son apogée d'or n'auront pas le royaume et hein, les capacités et les progrès qu'avait Suleyman alayhi salatu wassalam. Maintenant Allah, il a mis à ton service. Il t'a facilité de monter dans le ciel, dans les avions. Mais il n'a pas mis à ton service le vent. C'est pour ça, des fois, tu es dans l'avion, tu dis, on est dans des trous d'air, et l'avion bascule dans tous les sens. S'il va tomber, ou là, il va là. Et ça gère dans tous les sens, etc. Tout le monde est mal. Pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a mis à notre service les avions, mais il n'a pas mis à notre service le vent. Quand le vent, Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a mis au service du Suleyman, alayhi salatu wassalam. Et il est des choses à laquelle l'humanité espère arriver maintenant, comme la hadi, la téléportation et autres. Ils n'y sont pas encore arrivés. Ben, Suleyman, alayhi salatu wassalam, la chose à laquelle il aspire maintenant, il l'a déjà eu, alayhi salatu wassalam. Le trône de la reine de Saba était un trône géant, énorme, très lourd. Il se trouvait à presque 3000 km. L'un des génies parmi les jeunes a dit, moi je te le ramène avant que la réunion ne... avant que les gens ne te quittent pas, avant la fin de ta réunion. L'homme qui a la science et l'homme vertueux lui a dit, moi je vais te le ramener avant que tu cliques de l'œil. Et il était comme il a dit devant lui. Va chercher maintenant. Même dans le progrès qu'on dit maintenant, que tu peux voir ton frère ou là, quelqu'un de ta famille à travers l'écran. Mais tu le vois en combien de temps? Il te faut un temps pour la connexion. Tu ne le vois pas tout de suite. Pourtant, c'est juste une image. Mais imagine que l'autre lui-même était là, ce n'est pas une image. Et lourd. Il était là. C'est-à-dire que il faut méditer la parole de Allah et les royaumes et la da'wa des prophètes, parce que c'est des leçons à retenir. Pour qu'on ne soit pas ébahi devant n'importe quoi. Il y a une civilisation, la civilisation et tout le pouvoir qu'avait Suleiman, personne ne pourra l'avoir. Les plongeurs, maintenant, on dit qu'il y a des plongeurs, ils font 400 mètres, ou là, je ne sais plus combien de mètres, gars. Ils vont arriver à la plongée d'Yeljin, et à la puissance d'Yeljin, qui est descendue, qui sortait tous les trésors de la terre, de l'océan et des mers, pour Suleiman, alayhissalam. Là, ils n'y arriveront pas. Donc, il y a des choses, il ne faut pas être ébahi comme ça. Oui, ils ont un progrès. Mais, il y a des progrès, ils n'arriveront jamais au royaume de Suleiman, alayhissalam. Il y a la civilisation et aux choses extraordinaires qu'il y avait dans le royaume de Suleiman, alayhissalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala met à son service beaucoup d'armées. Armées d'oiseaux, armées de djinns, armées d'êtres humains. Tout. Et le vent, il est à son service. Allah subhanahu wa ta'ala sakhara li Suleiman junoudan yaf'alouna lahu ma ya'murouhum bih. Min al-djinn wal-ins wal-tuyour. يفعلون له امورا لا قبل لاحد بها اليوم ما يقدرش عليها الناس دروكا داكشي اللي كانت الجنود ديال سليمان تدير ليه كان عنده جن يغوص في قاع البحار ياتونه باللآلئ والمجوهرات وكان له من الجن من يبنون له ما يشاء سخر الله عز وجل كما مر لسليمان الريح آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين ولن يكون لأحد من العالمين بعدا مات سليمان وهو متكئ على عصاه والجن لا تدري بموت سليمان عليه الصلاة والسلام فأتت الدودة فأكلت العصا فخر فعلمت الجن أنها لا تعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى لو كانت تعلم الغيب لما جلست في العمل في العذاب مع الدباء وميت منذ زمان فما دلوا على الموت ديالو الا الدوده اللي قالت له العصا ديالو علاش متكي فهم الله عز وجل سليمان ايها الغيوم انهم بلو بيرسون نورا الغيوم كابي سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان مور il était Et il était appuyé sur un bâton. Il était comme ça debout, en train de surveiller l'armée d'Yeljin qui travaille pour lui, les oiseaux qui travaillent pour lui, les humains. Pourtant, son âme était déjà partie. Et personne ne le savait. Et tout le monde s'acharnait au travail que leur donnait Suleiman. Restait à l'attaque. Dans la fatigue, dans l'acharnement au travail. Qui va leur indiquer qu'il est mort? Le petit ver qui va grignoter. Le bâton, et à ce moment-là, Suleiman tombera, et à ce moment-là, les djinns vont se rendre compte qu'ils ne connaissent pas l'invisible. Parce que s'ils connaissaient l'invisible, ça fait longtemps qu'ils auraient quitté le travail. Qu'ils seraient tranquilles, seraient reposés, seraient sauvés. Et cela te prouve qu'il n'y a personne qui connaît l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala a'ta Suleiman hadi al-mahaba huwa mayyit wa ma'alimat bihi al-jinn wa kana takhafuhu wa yakhafuhu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette prestance à Suleiman alayhi salatu wasalam que les djinns ont peur de lui. Et les humains et tout le monde a peur de lui. Et personne ne savait qu'il était mort, donc il travaillait. وقد خير الله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا رسولا فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا كما كان جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن إبراهيم ملكا وإن جعل الله من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملوكا فلم يكن هو ملكا ولم يكن إبراهيم حاكما ولكنه كان إماما إني جاعلك للناس إماما مات الملوك ومات الحكام ومات الجبابرة وأصبحوا نسيا منسيا وبقيت إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنت تذكره في كل حين في كل صلاتك اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ها هذا هو النصر، نصر الدين، نصر التوحيد، ها العزة من الله والنصر من الله. Le témoignage ici, frère en Allah, c'est qu'aucun royaume, aucune puissance ne peut durer. Si un royaume devait durer, le royaume du Salomon aurait duré. Et notre prophète, alayhi salam, il avait le choix entre le fait d'être un prophète roi ou un serviteur messager. Et il a choisi d'être un serviteur messager. Comme il a été son grand-père, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam n'était pas un roi. Hein? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la descendance d'Ibrahim alayhi salam des rois. Ibrahim ne l'était pas. Ibrahim alayhi salam n'était pas un gouverneur. Hein? Mais il était un imam. L'imam du monothéisme. L'imam du monothéisme. Il dit dans le verset, je te fais imam pour les gens. Les rois, les tyrans, hein, les grands puissants sont morts, ils ont oublié. On ne les cite plus. Ibrahim alayhi salam, son imam est resté. Il était imam dans le monothéisme. Tu réponds toujours. Le Mouaddin il dit, hein, combien de fois il dit haut et clair la parole du monothéisme. La ilaha illallah. Combien de fois tu la répètes? Combien de fois aussi toi tu te rappelles de Ibrahim alayhi salam dans ta prière? Les rois sont partis. On ne les invoque plus. On les évoque plus. C'est fini. Ibrahim il est là tout le temps avec toi. Alayhi salam. Chaque fois. Hein, c'est l'imam du monothéiste. Et tu t'en rappelles dans toutes tes prières. Donc, فكل الموحدين في العالم يذكرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين إلى يوم الحساب فإمامته لن تنتهي عليه الصلاة والسلام وهي الإمامة الحقة وهي السلطة الحقيقية وهي الفضل المبين والحق العظيم الذي يدوم ويستمر فهذه دعوة إبراهيم وهو الذي حرص على أن يكون له ذرية تؤمن بالله وتوحد الله تصلي لله. Donc tout monothéiste dans le monde se rappellera toujours de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. L'imam Adoum, Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est pas terminé, il ne se terminera pas jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le pouvoir réel. Et c'est la réalité du pouvoir, et c'est le pouvoir géant. Perdu, traverse les siècles. Hein? Et ça, c'est la da'wah d'Ibrahim alayhi salam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait une descendance monothéiste, qui croit en Allah, qui prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa id yarfa'u إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم فكان محمد عليه الصلاة والسلام بركة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا وكانا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام الموحدين وخليل الرحمن عز وجل كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن فالخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام وهي أعلى درجة. Donc il dit dans le verset الله quand Ibrahim élève la construction, les bases de la construction de la maison sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, ainsi que Ismaïl, ils font ceux de là, ô souverain, accepte de nous, car tu entends et tu sais tout. Ô souverain, fais que nous soyons soumis à toi, et fais que de notre descendance, il y ait une communauté soumise à toi. Ils veulent que leurs descendants soient monothéistes. C'est le dua qu'ils font. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leurs descendants soient des gens qui adorent Allah, qui réservent leur culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont demandé à Allah, oh Allah, montre-nous nos rites. Les rites pour t'adorer. Hein? Et pardonne-nous, car tu es celui qui pardonne, qui est le clément. Ô souverain, on voit en eux un messager de leur grâce. Hein? Et ce dua a été exaucé par Allah, Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, a envoyé Muhammad, alayhi salatu wassalam. Le deuxième ami intime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les deux prophètes qui sont les amis intimes d'Allah, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et Muhammad, alayhi salatu wassalam. Muhammad est l'imam des monothéistes par excellence. Hein? Et ça, c'est la bénédiction du Dieu à lui, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. فهذه الإمامة الحقيقية هذا هو النصر المبين الذي قال فيه عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أنصر دين إبراهيم أم لم ينصر نصر دين التوحيد الذي هو دين الأنبياء أنصر أم لم ينصر فهذا هو النصر العزيز هذا هو النصر العظيم نصر الدين نصر المنهج الحق نصر الشرع ليس نصر الكراسي ولا نصر المناصب فالنصر هو نصر دين الله يموت المنصورون ويبقى دين الله ويبقى المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وذا هذا هو النصر الذي كان الانبياء حريصين عليه والنصر الذي كان يريده الانبياء ان يبقى التوحيد وأن يبقى المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. En réalité, le pouvoir réel et la réalité du pouvoir et le réel triomphe et le triomphe le plus clair, c'est le triomphe de la religion. Il est dit dans le verset, et c'est le triomphe qu'ont eu le messager Alayhi Sallam. Il est dit dans le verset, nous allons faire triompher le messager et ceux qui ont cru. Nous allons faire triompher le messager et ceux qui ont cru. Dans ce bas monde et dans le delà. Et le jour de la résurrection. Hein? Ibrahim est mort. Est-ce que sa religion a triomphé? Est-ce que le monothéisme qu'a prêché Ibrahim alayhi, il est là ou pas? Mohammed est mort. Est-ce que leur religion est restée? Tous les prophètes ont prêché le monothéisme. Est-ce que ce monothéisme existe? C'est là le réel triomphe. C'est là la clarté et le triomphe le plus sûr et le plus important. Ce n'est pas le triomphe des postes. Ce n'est pas le fait de prendre le pouvoir. Ceux qui ont triomphé sont morts, mais la religion de Allah est restée. Les prophètes qui ont triomphé et ceux qui ont suivi leur voie sont morts. La religion d'Allah est restée. La voix que Allah aime et agrée est restée. La législation que Allah aime et agrée est restée. Et ça, c'est le réel triomphe que cherchaient les prophètes alayhi sallatu wassalam. Wa yati yawm al-qiyamati nabiyyun min anbiya'illah wa laysa ma'ahu ahad. مات ولم يستجب له احد ومات اعداؤه ولكن بقي دينه وتوحيده. ما الى ماذا دعا الانبياء؟ مات كل الانبياء والرسل لكن بقي دينه عليه الصلاة والسلام. بقي التوحيد. بقيت عقيدتهم في الله. بقي هذا النصر العزيز وهذا النصر الحقيقي. Le jour de la résurrection arrivera des prophètes, il n'y a personne qui leur a répondu, ils arriveront tout seuls. D'autres prophètes arriveront avec deux ou trois personnes. Personne ne l'a. Leurs ennemis sont morts aussi, mais leur religion n'est pas morte. Leur monothéisme qu'ils ont prêché n'est pas mort. Hein? Tous les prophètes sont morts. Tous les messagers sont morts. Leur religion est restée. Leur croyance est restée. Et ça, c'est le plus grand des triomphes, et c'est la réalité du triomphe. Fada'watul anbiya, دعوة إصلاحية وإبراهيم قام بدعوته على أحسن وجه وابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده واستجاب وعوضه بولد تال ومن امرأته سارة التي كانت لا تنجب في صغرها أكرمها الله بولد منها في كبر سنها وكان منها عندما بشر الملائكة إبراهيم بالولد أن سكت وجهها ما استطاعت أن تملك نفسها وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز فهذا بعلي شيخ. فأجابتها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ دونك هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إتين دعوة de la réforme vers le bien, vers la voie que l'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ibrahim alayhi salam l'a accompli comme il se doit, de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé avec son premier fils, et il a répondu à l'appel d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un deuxième fils. De sa femme qui a atteint un âge très avancé, Sarah alayhi salam, à tel point quand les anges lui ont annoncé l'enfant, il a caché son visage avec ses mains. Je vais donner naissance à un enfant alors que j'ai atteint cet âge et que mon mari est ce vieillard. Et les anges lui disent: tu t'étonnes de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette femme. فهذه كذلك بركة من بركة آل إبراهيم فما أحوجنا أن نتعلم من هذه الدعوة المباركة هذه الدعوة الصحيحة فالله عز وجل رزق إبراهيم إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب ثم من بعد يعقوب معظم الأنبياء فكان نسله أئمة في الدين فالله جل وعلا ملأ الدنيا بالخير من آل إبراهيم فلا عجب أن قال ربنا في إبراهيم أنه كان أمة وهو لوحده فقال فيه الله سبحانه وتعالى أنه كان أمة فالله عز وجل شاء من ذريته بأمة تدعو إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى فكل أنبياء بنو إسرائيل هم من نسل إبراهيم ونبينا الكريم من نسل إبراهيم كذلك فما أحوجنا إلى تأمل هذه الدعوة المباركة دعوة الأنبياء أما دعوات هؤلاء الحركين فإنها بمعزل عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دونك خيرنا الله عز وجل سا سيلين دي بنديكسيون parmi lesquels الله سبحانه وتعالى il a comblé la famille d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Nous avons besoin d'apprendre la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam et de prendre leçon dans cette da'wa bénite de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a donné naissance à Ismaïl, à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il l'a comblé avec ce bienfait. Et après, il lui a donné Ishaq. Et après Ishaq, de Ishaq est sorti Yaqub. Et du Yaqub, la majorité des prophètes de Banu Israël alayhi salatu wassalam. Et l'autre prophète est un descendant d'Ibrahim, de la voix d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, t'étonne pas quand Allah subhanahu wa ta'ala dise à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, comme quoi il y a tout seul une communauté. Il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, une communauté de monothéistes. Des prophètes qui ont appelé vers le monothéisme. Et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes de Banu Israël sont de la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Notre prophète alayhi salatu wassalam, il est de la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nous avons besoin de méditer la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam. Et la da'wa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam compte ou da'wa où font ces activistes. Il est très loin et il est à l'opposé de la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. Fa haoulaï al-harakiyoun la ya'rifouna da'wat al-anbiya. Wa in kanu ya'rifouna fa la yuqimouna laha waznan. Yaqoulouna bi anna da'wat kanat tufasib usoura al-anbiya. Aw yusawwirounaha bi anna da'wat al-inqilabat wa al-thawarat wa al-ihtiyalat siyasiya. Ces activistes, frères Allah Azza wa Jal, que tu vois, que tu entends sur les sites, et dont tu lis certains, sont loin de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne connaissent pas la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Ou même s'ils la connaissent, ils ne lui donnent pas l'importance. Ils lui donnent le dos, ils la mettent derrière eux. Et ils disent de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam que cette da'wah convenait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'il ne convient pas à notre époque. Et ils font imaginer, ils donnent l'image, cette image de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient une da'wah de la révolution. Ils appelaient les gens à se révolter. Et ceci n'est pas vrai. فالحركيون كيفوا دعوة الأنبياء وأعطوها صبغة التهييج وملأوا الدنيا فتنا وثورات وانقلابات وهذه طبعا بعيدة عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأفعال، هذه المناهج بعيدة عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يجب أن نتدبر، ها كتاب ربنا، وها سنة نبينا، وها منهج صحابة رسول الله أمامنا، فلنتدبر ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ولا نسمع لكل ناعق ينهق بما لا يعرف. Ces activistes frères en Allah Azza wa Jal ont remonté la parole du prophète alayhi wa sallam et lui ont donné l'aspect de l'excitation, comme quoi c'est une da'wa à exciter, une da'wa de la révolution. Et ils ont propagé le fitna dans le monde musulman et partout. Hein? Et il est évidemment qu'agir ainsi, ça ne correspond pas à la voix du prophète alayhi wa sallam. Faire très attention à ce que tu entends, à ce que tu lis. Le livre d'Allah, il est présent. La da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, il est détaillé dans le livre d'Allah et dans le tabligh de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu as en face de toi la voix de tes plus aïeuls qui sont les compagnons de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Fais attention où tu vas, où tu mets les pieds. N'écoute pas n'importe quoi, frère en Allah, azza wa jal. Tu vas le regretter après. Hein? Si tu ne deviens pas la chair à canon, peut-être tu vas moisir dans une prison après. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يستجب له إلا قلة قليلة ومنهم ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بقيت عقيدة إبراهيم وملة إبراهيم ودين إبراهيم ومات أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف كود موند كي لا ريبوندي كي ريبوندي على دعوة peu ont répondu à la dawa d'Ibrahim son cousin le fils de son frère, l'autre, alayhi sallallahu alayhi sallam, et malgré tout ça, la da'wa d'Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam, est restée. Et la voix d'Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam, est restée. Et les ennemis d'Ibrahim sont morts, sont finis. On n'en parle même plus. Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam, sa da'wa, il est resté. Et on parle toujours d'Ibrahim, alayhi sallallahu alayhi sallam. Lakin huna shubhatun يجب أن لا تنطلي عليك أخ الإسلام. يثيرها هؤلاء الذين ينشغلون بالحكام ويريدون تغيير الحكام قبل أن يغيروا أنفسهم وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولكن هؤلاء فهموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الحكام أو حتى يغير الناس لا يا أخ الإسلام التغيير منك أنت أنت الذي يجب عليك أن تتغير أن تغير نفسك إلى الأحسن وإلى الأفضل وتغير أهلك ومن تعول ومن تحت مسؤوليتك ومن يجاورك فإن الله عز وجل من سياء من النوم ambiguïté que ces activistes propagent il ne faut pas que tu tombes dans leur filet ces gens qui s'occupent tout simplement du gouverneur et qui rendent mécréants les gouverneurs qui veulent se révolter contre les gouverneurs et qui veulent changer les gouverneurs avant de changer eux-mêmes. Alors que Allah a décrété dans le Coran, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Mais il semble que ces activistes et beaucoup de jeunesse, de la jeunesse musulmane et beaucoup de gens ont compris le sens, ont compris ce verset dans ce sens-là et non pas dans le réel sens. Allah ne change rien pour un peuple tant qu'il ne change pas les autres, tant qu'il ne change pas les gouverneurs. La ya al-Islam, c'est toi qui dois changer. Moi, je dois changer. Et tu dois changer. Tu dois faire un travail sur toi. Et revenir sur la voie de ton prophète, et changer dans le bon sens, et changer, aider, et éduquer ta famille sur le réel changement avant de passer à autrui. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Pas vouloir changer les autres, moi je ne change pas. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien du tout. C'est faire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. On n'arrive nulle part. فإبراهيم مع أنه لم يستجب له إلا قلة قليلة ترك وراءه ذرية صالحة ترك ولدين صالحين نبيين كريمين إسحاق وإسماعيل الذبيح عليهما الصلاة والسلام الذي أكرمه الله بأن أخرج من نسله خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإسحاق رزقه الله يعقوب ثم من نسل يعقوب جاء 12 ولد من كل ولد سبط من أصباط بني إسرائيل قال عز وجل وقطعناهم 12 أصباطا أمما فكان عند يعقوب 12 ولد ومنهم يوسف عليهم الصلاة والسلام. Donc Ibrahim عليه الصلاة والسلام, malgré que personne, que peu de gens ont répondu à cette dawa, il a laissé derrière lui une descendance vertueuse. Une descendance qui s'accroquait à accomplir le monothéisme. Il a laissé derrière lui deux nobles garçons, deux prophètes d'Allah, Ismaïl et Ishaq, alayhim as-salatu wassalam. Hein? Ismaïl, que Allah lui a ordonné de dégorger. Et de Ismaïl est descendu le meilleur de la créature humaine, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et de Ishaq alayhi salatu wassalam, tout est sorti Yaqub et tous les prophètes de Banu Israël. De Yaqub ont sorti 12 garçons. De ces 12 garçons, les 12 tribus de Banu Israël. Hein? Et fait partie de ces 12 garçons, Youssef alayhi salatu wassalam. Donc c'est une noble descendance hein, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a complété Ibrahim alayhi salatu wassalam. فمن كل سبت من أصبات بني إسرائيل جعل الله عز وجل أنبياء وأعطاهم ملكا عظيما فسليمان عليه الصلاة والسلام هو من نسل يعقوب وداود كذلك وكل أنبياء بنو إسرائيل وعيسى وموسى كلهم من نسل إبراهيم وإسحاق عليهما الصلاة والسلام ومن إسماعيل جاء أكرم خلق الله وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. Donc de chaque enfant de Ismaïl alayhi salam, de chaque, hein, va être une tribu de Bani Israël. Et de ces tribus, il y aura des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des royaumes. Et des énormes royaumes. Suleiman a eu le plus énorme royaume que ne connaîtra plus l'humanité. Et il fait l'île de la descendance de Yaqub. Daoud alayhi salam, il est de la descendance de Yaqub. Et tous les prophètes de Banu Israël, Isa, Moussa, tous sont de la descendance de Ibrahim alayhi salam, de la lignée d'Ishaq alayhi salatu salam. Et de Ismaïl est venu le plus noble des prophètes d'Allah. Et le plus noble de l'humanité, Muhammad alayhi salatu salam, et le dernier des messagers alayhi salatu salam. فهذا الإمام إبراهيم ملأ الدنيا خيرا وإذ ابتلى ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالإمامة في الدين لا تنال بالظلم أخا الإسلام الإمامة في الدين لا تنال بالتعدي لا تنال بالبغي لا تنال بالغضب لا تنال بالثورات لا تنال بالاغتيالات لا تنال بالخروج على الحكام ولا بالانقلابات وإنما تنال الإمامة في الدين بالتقوى وبالاتباع للمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ولا تنال بالتهورات. Cet imam qui Ibrahim عليه الصلاة والسلام a rempli ce moment de bien. Et il est dit dans le verset quand Ibrahim salam, a demandé à son Seigneur des choses, Allah l'a comblé avec ces choses, et il a fait de lui qu'il soit l'imam des gens. Hein? Et Ibrahim voulait que l'imama soit dans sa famille. Et Allah lui a dit, l'imama ne la mérite pas les injustes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'injustice n'amène pas l'imama. L'injustice et le fait de dépasser ses limites ne fait pas d'une personne qui soit le guide, qui soit l'imam de la communauté. L'imama se mérite avec la piété. L'imama se mérite avec, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, en étant dans le suivi de Muhammad alayhi salatu wassalam. L'imama, on ne l'obtient pas avec les révolutions, avec le fait de se révolter contre les gouverneurs, avec le fait de couler le sang. L'imama s'obtient avec le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le fait d'accomplir le monothéisme et de suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Amma al-ajala fala ta'ti bi shay. Wa al-imama tunalu bis sabr wal yaqin. Qala azza wa jalla wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqimun. L'imama ne s'obtient pas avec le fait d'être pressé. L'imama, on l'obtient avec la patience et l'endurance et la certitude. Il est dit dans le verset, nous avons fait deux des imams qui guident par notre ordre, parce qu'ils ont patienté, ils ont enduré et ils avaient la certitude sur le signe. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين فلا تنال بالعجلة والغضر والانقلابات والحماسات والانفعالات ولا تنال بالثورات ولا بالتهديد كما يفعل الياسينيون وعبد السلام ياسين وشيعته كل مرة يخرجون لبين عضلاتهم يريد الحكم فأليس هكذا تنال الإمامة في الدين فهذا ليس من شرع الله ولا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تنال الإمامة بالصبر وباليقين وبالسير على نفس الطريق الذي كان عليه أنبياء الله وكان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله عز وجل كل إمام dans la religion s'obtient avec la patience et l'endurance. C'est pas en étant pressé en voulant arriver au pouvoir et en faisant des révolutions et des putsch qu'on va arriver à l'imama. C'est pas avec les excitations qu'on va arriver à l'imama. C'est pas avec des révolutions et des menaces qu'on va arriver à l'imama. Loin de là, comme font les Yassinites au Maroc par exemple. De temps en temps, ils sortent, ils montent leurs muscles dans les rues, ils font des manifestations. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Ça, ce n'est pas la voie des prophètes alayhi wa sallam. Ça, c'est contraire à la voie des prophètes alayhi wa sallam. Ça, c'est être insensé quand on agit ainsi. L'imama, dont la religion s'obtient avec la patience, avec la certitude, avec le fait de prendre le même chemin que le messager d'Allah, et de prendre le même chemin de notre prophète, et ceux qui l'ont suivi, et ses compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. Face à Allah, azim, rabbil arsh azim, nufaqihni wa iyyakum fi dinina. جنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.